Chapitre 26 De la supériorité de la tragédie sur l'épopée. On peut demander laquelle des deux, de la tragédie ou de l'épopée, doit l'emporter sur l'autre. Si on donne la préférence à celle qui est la moins chargée, la moins forcée et qui, comme telle, est faite pour des gens plus sages, il est évident que celle qui entreprend de rendre tout par l'imitation est plus forcée que l'autre. Les acteurs dans un drame se meuvent, s'agitent de toute manière, comme si l'on ne pouvait les entendre sans cela, semblables aux mauvais joueurs de flûte qui, en jouant, pirouettent pour exprimer le roulement du disque ou qui poussent et tirent le coryphée quand ils jouent la scylla. Or, dit-on, la tragédie est comme les anciens comédiens pensent que les nouveaux sont à leur égard. Muniscus appelait Callipide le singe, parce qu'il forçait son jeu. Il avait la même opinion du comédien Tindare. Or, l'épopée est à l'art chargé de la tragédie ce que les anciens acteurs sont aux nouveaux. D'où on conclut que l'épopée est la poésie des honnêtes gens, des hommes modérés, qui n'ont pas besoin qu'on accompagne des gestes ce qu'on leur dit. Et que la tragédie est pour ceux qui sont à caractère tout opposé. Celle-ci est donc moins parfaite que l'épopée. On répond quant au geste que c'est à tort qu'on rejette sur la tragédie ce qui ne doit tomber que sur l'art du geste. Qu'on peut faire des gestes en récitant l'épopée, comme faisait Sosistrate. Qu'on peut même chanter, comme faisait Mnasité d'Oponte. Que toutes les espèces de gestes ne sont pas à blâmer, non plus que toutes les espèces de danse, mais seulement ceux qui seraient indécents, comme ceux qu'on a reprochés à Callipide et aux autres qui imitent des gestes de courtisane. Enfin, que la tragédie produit, comme l'épopée, son effet sans la représentation et qu'il lui suffit d'être lu. Si donc la tragédie est bien supérieure à l'épopée quant au reste, on n'a qu'à écarter la représentation et ensuite les juger. La tragédie, ayant tout ce qui est dans l'épopée, car elle aurait même son vers si elle le voulait, a de plus qu'elle le chant et le spectacle qui causent le plus grand plaisir et le plus vif. Elle a le frappant des jeux de théâtre dans les reconnaissances et dans les autres parties de l'action. Elle est moins longue que l'épopée et arrive plus tôt à son but. Or, ce qui est serré, arrondi en soi, a bien plus de force et d'effet que ce qui est étendu dans une longue durée. Que deviendrait l'Œdipe si l'on en faisait un poème épique? L'unité y est plus exacte et plus stricte que dans l'épopée. Il est peu d'épopées dont on ne fit plus d'une tragédie. Si dans l'épopée il n'y a qu'une seule action, le poème paraît maigre et tronqué. Si l'on étend cette action comme elle doit l'être, c'est une couleur délayée. Si de plusieurs actions on tâche de n'en faire qu'une, il n'y a plus d'unité. Dans l'Iliade même et dans l'Odyssée, quoique ces poèmes soient aussi parfaits qu'ils peuvent l'être par rapport à l'unité, il y a des parties qui ont chacune assez d'étendue pour en faire autant de poèmes à part. Si donc la tragédie a l'avantage sur l'épopée dans tous ses points, et par rapport à l'effet qu'elle produit, car les tragédies donnent à l'âme non toute espèce de plaisir, mais celui qu'on a dit, il est clair alors que la tragédie l'emporte sur l'épopée. Nous bornons ici ce que nous avions à dire de la tragédie et de l'épopée, de la nature de l'une et de l'autre, de leur forme et de leurs parties, du nombre et des différences de ces parties, des beautés et des défauts de ces deux genres, et de leurs causes. Enfin, des critiques et de la manière d'y répondre.